thorax, une de celles qui font croire que la vie est réelle, celle qui t'aide à être un, à part et pourtant normé, celle qui t'aide à te noyer quand tu n'y es parvenu. Un minéral vivant, elle vit en moi comme grouillent les vers blancs au frais dans les poubelles. Il n'y a rien à en tirer, mais pourquoi cela me gêne-t-il alors? Ou pourquoi cela me gêne-t-il à l'heure où je voudrais être seul, sans penser, sur l'autoroute d'un silence que tu ne connaîtras peut-être jamais? Il y a dans ce flot gras d'idées des échecs et des rires, des jeux de mort et des maux de tête. Rien de bien clair dans ce bruit entre toi. La chair aurait-elle perdu son éclat? À compter d'aujourd'hui, il faudra se tordre pour être représenté et savoir mentir pour se représenter. La chair aurait-elle perdu son éclat? La chair aurait-elle perdu son éclat? Rien de bien clair.